Avant de commencer la période de questions, je voulais mentionner que j'ai sorti un nouveau livre cette semaine sur l'enfant teflon. Comment vivre heureux avec un enfant teflon? Devenir complice, partie 2. En réalité, c'est le quatrième bouquin sur la teflonnerie québécoise. Ça parle de quoi? Ça explique comment vivre heureux avec un enfant teflon, mais en deux mots. C'est ça. Ça parle de l'enfant teflon puis comment travailler et comment vivre heureux avec. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui reconnaissent l'enfant teflon. Et souvent, ils disent aux parents, « il n'y a rien à faire, c'est un enfant teflon. » Bonne réponse. Alors là, le livre, c'est pour le prouver qu'il y a tout à faire puis c'est très plaisant de le faire. C'est un livre qui s'adresse aux parents, aux psychologues ou aux parents, enfants? Parents, professeurs, psychologues, tout le monde. Lui, il s'adresse un peu moins aux enfants parce qu'il donne trop de trucs. Le genre de livre que tu perds dans ton garde-robe? Ouais. Quand tes enfants vont pas fouiller dedans. Ouais, c'est, en même temps que je le disais, je me disais que ça va pas me mettre à l'œil parce que c'est peut-être la dernière place. Encore, la dernière place qu'il faudrait que je le mette. C'est là qu'on va aller voir en premier. Question. Réponse. OK, prochaine question. Prochaine réponse. Je travaille auprès d'une clientèle atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'artériosclérose cérébrale. Je souviens à des besoins qu'ils n'ont pas la capacité d'exprimer. Quand je les regarde circuler dans les corridors, je trouve qu'ils ressemblent à des corps physiques téléguidés. Sont-ils des proies faciles pour l'astral? Bon, l'astral s'exprime dans un corps physique en fonction de son système endocrinien. Le système endocrinien est extrêmement régi par le cerveau, par les trois cerveaux, si on veut parler de trois cerveaux, dont bulbe rachidien, cervelet et la partie du cerveau que l'on connaît. L'astral, les mécaniques réincarnationnelles, donc ce qui manipule souvent les stimulateurs de la vie, ne peuvent être attirés que par un corps physique en accord avec ce qu'elles sont. C'est-à-dire que les mécaniques astrales vont vers un corps physique capable de les exprimer. Alors, dépendamment de ce qui est opérationnel, si on parle d'artériosclérose cérébrale, par exemple, dépendamment des limitations de vascularisation au niveau du cerveau, si on parle d'Alzheimer, il y a différentes choses qui vont créer le principe même de la maladie, parce qu'en termes de symptômes, c'est similaire, mais les causes peuvent être différentes. Le cerveau, s'il n'a pas la capacité d'exprimer la violence, il ne sera pas violent. Si le cerveau a la capacité d'exprimer la violence, mais qu'une partie qui contrôlait la partie qui exprimait la violence avant commence à être atténuée par un manque d'oxygénation, la personne pourrait être manipulée. La première loi de la manipulation, c'est qu'on ne peut manipuler quelqu'un au-delà de ses capacités à être manipulé. Donc, les personnes ne sont pas des proies plus faciles à la manipulation. Tous ceux qui ont une arme et qui sont assujettis à une pensée qui n'est pas ajustée par leur intelligence, sont tous de superbes belles proies à la manipulation. Donc, 100% des humains habitant la planète présentement sont de très belles proies à la manipulation. Les personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou encore d'hypoxie cérébrale ne sont pas de meilleures proies. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que nous sommes manipulés par des mécaniques pacificatrices. D'autres, par des mécaniques plus belligérantes. Alors, on ne dit pas qu'une personne, par exemple, qui se drogue est plus manipulée. Il y en a qui chialent parce que leur café est froid. Ils sont aussi manipulés que celle que la personne qui se drogue. Mais celui qui chiale parce que son café est froid, disons, en guillemets, il est plus chanceux d'être assujetti à une manipulation comme ça que d'être assujetti à une manipulation de violence, de suicide ou de drogue ou de choses comme ça. Mais tous les humains sont de belles proies à la manipulation tant que l'homme n'est pas son seul maître. Pourquoi lors des séances de ventilation du personnel, il met sa corde à linge pour ventiler? Moi, je pensais que les mettaient un embus sur le nez et ils ventilaient. Un des points qui en ressort le plus souvent est le vide énergétique ressenti après les périodes de travail. Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est long à expliquer. Les individus qui souffrent d'atteinte cérébrale, que ce soit au niveau de structure minérale, ce qui va souvent causer la maladie d'Alzheimer. Il y a un codifiage génétique aussi. On a déjà parlé à un moment donné que dans le passé, il y a eu des codifiages génétiques qui vont, des bombes à retardement génétique, qui font en sorte que quand l'humain arrive à un certain niveau de vibration, ces bombes de pathologie se réveillent, d'où d'ailleurs la naissance du sida et de d'autres formes de maladies comme ça. Des maladies qu'on parle karmiques, la tuberculose, la majorité des maladies transmises sexuellement, des maladies d'immunodéficience qu'on dit acquises, mais qui sont finalement innées, mais qui explosent dans un moment donné. Comme certaines autres formes de maladies, quand un être humain en santé énergétique passe ou travaille près de ces personnes-là, dépendamment de l'activité à l'intérieur de la pièce, les individus atteints de maladies comme ça gardent une conscience dans leur astral, leur conscience astrale ne peut pas être exprimée. Donc, on peut considérer que du point de vue de l'expérience astrale, ils restent conscients, sauf que du point de vue de l'expérience corporelle, ça ne paraît pas. Donc, l'individu reste totalement conscient de ce qu'il est, mais s'il y a une problématique d'expression dans le corps physique, on pourra dire qu'il perd la mémoire. Donc, la mémoire, l'astral ne peut pas s'exprimer. Au bout de plusieurs années d'expérience de non-expression dans le corps physique, la mémoire va aussi être altérée. Temporairement, les individus étant conscients, ils sont de grands capteurs d'énergie, c'est-à-dire qu'ils crient. Ils ne souffrent pas. C'est une souffrance sans souffrance. Bon, il n'y a pas de mots encore pour l'amener. Ils sont capables donc de puiser, de ramasser de l'énergie, ce qui fait que les personnes qui sont autour d'elles se font simplement siphonner. Mais encore là, on pourrait expliquer, il y a tellement de choses, ce serait trop long. J'ai un enfant de 8 ans, je suis après lui tout le temps. Je voudrais le sortir de son ignorance. Vous êtes un parent velcro, c'est ça? Bon, comme vous savez, je ne donne jamais de conseils. Ou les conseils que je donne, des conseils qui ne servent à rien. Oui, ça élimine les karmas. Je ne peux pas rien vous dire ici. Je voudrais le sortir de son ignorance. Il faudrait premièrement voir quel genre d'enfant que c'est. Il faudrait que je voie l'enfant. Est-ce que l'enfant est ignorant ou si l'enfant vous ignore? Non, c'est une question posée. Je connais des enfants Teflon, entre autres, qui étaient totalement en classe d'aliénation mentale. Et lorsqu'on travaillait avec eux, ces enfants-là, ils étaient totalement en haut. Sauf que la seule façon d'avoir la paix des adultes, c'est qu'eux avaient découvert que c'était de simuler la stupidité. Ils étaient réellement stupides, des vrais pros. Mais ils étaient loin d'être stupides. Puis devant certaines personnes centrées un peu sur elles-mêmes, ça n'a pas passé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ignorance? Faudrait donc, je ne peux pas répondre à la question ici, c'est plutôt un commentaire, mais... Moi, ce qui m'intéresse surtout présentement, c'est de parler des enfants Teflon, donc des enfants qui ont la capacité d'entrer en contact avec leur conscience. Ils sont non traditionnalistes, c'est pas qu'on les appelle Teflon, c'est que le système traditionnel d'éducation ou d'intervention colle mal ou ne colle pas. Ils sont allergiques aux collectivistes. Ils ne sont pas normaux, ils sont naturels. Si l'enfant est Teflon, l'enfant de 8 ans ici, à un moment donné, je donne des conférences de temps en temps sur les enfants Teflon, et là, ce serait drôlement intéressant qu'on en parle, je prendrai du temps pour le faire. La première chose, ce serait de voir, premièrement, si l'enfant est Teflon ou non. Sinon, à un moment donné, dans une ou des questions plus spécifiées, plus précises, je pourrais m'arranger pour vous donner quelques commentaires là-dessus. Comme cela, encore une fois, ce serait beaucoup trop long. Que pensez-vous du christianisme charismatique? Je ne pense pas, ce qui fait que je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Je peux vous en parler. Que parlez-vous du christianisme charismatique? Je réponds aux questions qu'on me pose là-dessus. C'est de ça que je parle, du christianisme charismatique. La question, elle est déjà répondue. J'ai vu la personne à l'entraque et puis elle sait tout ce qu'elle a besoin de savoir. Qu'y a-t-il à dire au sujet d'Edgar Cayce? tout ce qu'on va entendre. Je sais pas si les questions sont drôlement posées aujourd'hui. C'est parce que tu lis mal. Je vais lire à l'envers. Edgar Cayce, c'est un personnage extrêmement intéressant qui a eu la capacité d'aider l'humanité à faire un bond ou deux. Et la problématique d'Edgar Cayce, c'est qu'il est relié à quelque chose, il est relié à une intuition intéressante qui lui donne de l'information. Étant donné qu'il a suffisamment, disons, il a trop d'ego, on doit l'amener à ce contact intuitif par l'hypnose. Donc, on va cacher son ego, on va passer outre et on va entrer en contact avec ce qu'il est lui-même. Progressivement, à la longue, l'ego expérimente le contact avec l'esprit. Expérimentant le contact avec l'esprit, l'ego va finir par jouer le jeu de l'esprit. Et à la longue, Edgar Cayce, en état d'hypnose, entre en contact avec les mémoires de son contact. Donc, il entre en contact avec les mémoires supramentales astralisées. Il entre en contact avec les mémoires du contact de son esprit et il commence à se faire jouer des tours. Il y a une intuition qui lui dit « Écoute, mon petit, tu ne fais pas plus qu'une vision par jour. Sinon, tu vas mourir. » Alors, les mécaniques astrales de Marty viennent le ramasser. Il doit aider l'humanité. Alors, il en fait deux, il en fait trois, puis finalement, il en fait trop, et finalement, il en crève. C'était prévu. On l'avait averti. Il le savait. Il l'avait même déjà dit. Plusieurs de ses prophéties finissent par être le jeu de l'astral. Donc, il prophétisera des choses qui n'arriveront jamais, qui sont l'agglomération de peurs inhérentes de son peuple à l'époque. Donc, plusieurs choses de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a dit, sont intéressantes. Et à partir d'une certaine date, on peut voir que, selon une courbe descendante, son contact est de plus en plus coloré par la mémoire de son contact. Et ça, c'est la problématique de ceux qui ont de l'ego, qui entrent en contact avec le plan supramental. Ils deviennent des martyrs de la transition supramentale. Parce que son corps physique n'était pas génétiquement prêt à recevoir un contact sans... Pas aussi continuel. Moi, je suis en contact 24 sur 24. Lui, il pouvait être en contact quelques minutes à quelques heures par jour en état d'hypnose. Sinon, le corps physique sauterait. Il a sauté. On a dernièrement un personnage au Québec aussi qui faisait justement sous hypnose des... te parlait de ta santé ou de ton avenir ou ces choses-là. Et lui, c'était la même chose. Faisant pas trop, tu vas claquer. Ben, il a claqué. Et c'est une chose qu'on sait, il le savait, il n'était pas son seul maître. On l'a ramassé, puis on l'a éliminé. C'est comme ça, ça fonctionne. Tu as été ambulancier et tu as eu le savoir instantané. Si je deviens ambulancier, est-ce que je vais avoir le savoir instantané? Ça dépend avec qui vous travaillez. Hein? C'est peut-être pas à cause de l'ambulancier, c'est peut-être parce que je travaillais avec quelqu'un qui était parfait. Non, et oui, pour, en étant ambulancier, parvenir à la même chose, mon contact, je l'ai depuis que je suis très, très, très, très, très jeune. En étant ambulancier, ça n'a rien donné. J'ai simplement été vérifier des choses, parce que moi, je suis une personne qui n'a jamais fait confiance à tout ce qui se passait. Ce qui fait qu'avant de dire que je savais, j'ai commencé par aller me prouver que j'avais tort. Puis j'avais tort. D'aller me prouver que j'avais tort. C'était correct. Ça n'a rien à voir avec le phénomène ambulancier. Mais si vous vivez exactement la même vie que moi, vous aurez la même chose que moi. Mais il y a un problème. Ça arrive une fois par humanité. Je l'ai vécu. C'est usé. C'est comme le Nazaréen. Hein? Il y en a qui se font crucifier pour avoir la même chose que lui. Ça marchait une seule fois quand c'était lui. Ça ne marche plus après. C'est du plagiat. Lorsque je suis attentif au silence et que j'arrête la pensée, j'entends un sifflement. Si je recommence à penser, ça arrête. Qu'est-ce que produit-il? Qu'est-ce qui provoque ça? Vous avez des bonnes questions, mais c'est des questions qui sont un petit peu longues à répondre. C'est pas une réprimande, c'est parfait. Mais je dois quand même couper un peu. Premièrement, ça peut être un acouphène. Un acouphène, c'est un bruit qui se crée dans le système auditif. Il peut être perceptible par le cerveau à très bas niveau. Quand on se met à penser, on peut être suffisamment distrait qu'on ne le perçoit plus. Deuxièmement, ça peut être aussi une mécanique créée par l'ajusteur de pensée qui a une légère tendance à faire muter le cerveau. Donc, de temps en temps, les dépolarisations, je saute donc des étapes, les dépolarisations peuvent se faire de telle façon que le cerveau va considérer qu'il enregistre un acouphène au niveau de l'oreille. Et quand on se remet à penser, on bloque le contact avec l'ajusteur de pensée et nécessairement la mécanique cesse aussi. Plusieurs personnes qui vivent un contact avec leur esprit, donc qui réveillent le Dieu caché chez eux, à un moment donné, ils vont sentir des douleurs ou encore un picotement, un engourdissement, un sifflement dans une oreille ou une autre oreille. Il y a des transformations au niveau du cerveau, une rationalisation des contacts neuroniques. Et pendant certains moments donnés, non seulement l'individu peut perdre la mémoire, mais en plus, le cerveau détecte des stimuli ou des douleurs qui ne sont pas là. Encore une fois, quand on a une douleur particulière, un DRS, par exemple, une douleur rétrosternale, ben, la première chose qu'on se demande, c'est pas « est-ce que je suis en train de fusionner? » On se demande « est-ce que je suis en train d'avoir un infarctus? » C'est logique. Et si on, par exemple, on en a eu une sévère, si on a un électrocardiogramme avec une lecture normale, eh bien, sans problème, ben, c'est probablement que le cerveau s'est amusé. Au niveau du sifflement, ça peut être donc un acouphène permanent. Comme ça peut être aussi simplement une communication de l'ajusteur de pensée, mais c'est simplement, il signale sa présence, si on veut parler spirituellement, mais en réalité, sa présence est détectable par ça. Quand tu peux faire monter ou descendre ce son-là en fréquence ou en... T'es connecté sur Beethoven. M'acheter un violon. Tantôt, je vais au dépanneur. Je sais pas si vous voulez m'envoyer des droits d'auteur. Lui? Non, mais ceux qui écoutent la musique aujourd'hui. Ah! Je vais m'informer. Tantôt, je vais au dépanneur demander du change pour un vin. Le gars m'engueule, me dit d'attendre. J'ai attendu. Après 5 minutes, je lui ai dit, en attendant les 20 $, j'aimerais avoir un 10, 2, 5, etc. Il me dit, tu vas voir ce que je vais te donner d'une façon très impolie. À ce moment, j'ai repris mon 20 $ de ses mains. Il ne voulait pas. Il criait. Là, j'ai... Ah, vous voyez, il est lui-même manipulé. Parce que pensez pas que ce gars-là, c'est un imbécile, puis c'est un cave, puis c'est etc. Oh non, non, non. Placez-le dans un cadre bien correct, vous allez voir qu'il est bourré d'intelligence. Lui-même manipulé. Et chacun d'entre nous, on est souvent confronté à vivre avec des animaux humains, mais souvent, on devient l'animal humain. Puis on ne l'est pas. On ne l'est vraiment pas. Lui peut dire à soi, à sa femme ou à son ami ou etc., j'ai eu une maudite mauvaise journée, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, puis il a fini sa soirée sur vous. Moi, tout ce que je veux qu'on comprenne simplement, c'est que tous les humains sont de même nature, de la même valeur. Pas au niveau de l'expression. Il y en a qui sont plus énergisés que d'autres, plus réchauffés que d'autres. Nous, si on comprend, on doit premièrement appliquer une chose ou instruire notre ego de cesser de juger. Parce que le jugement, c'est pas que le jugement, si vous jugez, on va vous juger. Ça, on n'a rien à faire. C'est qu'un jugement est nécessairement faux, puis nécessairement une perte d'énergie. Puis en plus, avec un jugement, on vient cristalliser l'idée que l'autre est comme ça, donc on va refuser nécessairement tout apport de neuf, donc on va refuser qu'il évolue. Ah, je le connais, lui. J'en profite. C'est un profiteux, oui. Là, j'ai sécrété, et dans ma tête, je lui disais des bêtises. Voilà, voilà, voilà. J'ai perdu de l'énergie, ça va agir comme lui, sous un autre niveau. Comment est-il possible de réagir sans sécréter? Ben, en sécrétant pas, c'est le secret de l'évolution. La première chose, c'est de ne pas vouloir immédiatement faire en sorte que l'ego ne puisse plus, par les voies endocriniennes, vous obliger à sécréter. La personne ici, elle dit « j'ai sécrété », elle veut dire que le cœur a accéléré, qu'elle a peut-être transpiré, elle a digéré plus vite ou plus lentement, ses pupilles se sont dilatées. Il y a eu des choses. Son ego qui s'exprime, elle ne contrôle pas ça. Si on lui pose la question « est-ce que c'est intelligent de sécréter? » Elle va dire « non, la preuve, elle veut savoir comment ne plus sécréter. » Ce qu'elle a vécu, elle a vécu simplement que pendant un laps de temps, elle n'était plus le maître contrôleur de ce qui se passait, c'était l'autre, le virus, c'était l'ego. Parlez-lui. C'est évident qu'une personne, comme j'expliquais à un moment donné, on parle de la mécanique maître contrôleur ou du programme maître contrôleur, il y a des façons techniques applicables de reprogrammation du corps physique, du corps vital et nécessairement de l'ego qui permettent d'en arriver là. Au départ, l'individu doit au minimum simplement observer qu'il est en train de se faire charrier. Alors, il va arriver à une des plus grandes conclusions de l'évolution de l'humanité. C'est vrai qu'on est deux dans le même corps. Là, c'est pas ça que je veux, mais regarde-moi aller. Ça, c'est important, c'est vital. Si vous en êtes là, vous êtes conscientisable. Vous êtes sauvé, on peut dire, spirituellement. Parlez à vos égos. Ben, j'ai une petite égo dedans. T'es sauvé, Charles. Merci. N'importe. Mission impossible ou accomplie? Entre les deux. Faut y parler à l'ego. Alors, c'est sûr que si tu commences à parler à l'ego devant le caissier, comme ça, il ne te fera pas attendre 5 minutes dans le magasin, il va te mettre dehors ou maintenant il va te donner ton chèque. Oui, mais dans certains cas, en termes d'humilité, la personne, elle aurait pu dire « Bon, je suis en train de chioler, je suis en train de sécréter, c'est pas ça du tout. » Sais-tu que ton le 20$, là, il me saoule autant qu'une bouteille de vin, tu sais, parce que c'était un vin, mais bon. Mais la personne, ce qu'elle a à faire, c'est pas de vouloir ne plus sécréter. C'est d'être capable de rester consciente, de rester vivante, de rester là pendant qu'il y a une sécrétion. C'est comme ça qu'on devient le maître. Vous rentrez dans votre compagnie, puis c'est le bordel. Oui, mais j'aimerais ça que... Non, non, commencez par être là, puis commencez par observer. Vous allez cheminer avec le problème, vous allez régler le problème. Mais il ne faut pas espérer ou dire que j'aimerais que... Non, j'ai sûr qu'on aimerait que tout soit bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça. La personne, elle a pu conscientiser que c'est vrai que l'humain est charrié, que c'est vrai qu'elle a de l'intelligence, que c'est vrai qu'elle a de la conscience, que c'est vrai qu'elle ne contrôle pas. À la longue, on doit devenir son maître contrôleur. Il y a des mécaniques, il y a des démarches qui permettent ça. La vie va vous le permettre. Mais la première chose, c'est de ne pas vouloir être trop rapide. Au minimum, si elle aurait juste observé ce qu'elle pense qu'elle a de l'air, puisque son ego lui donne l'air, ça l'aide. Progressivement, elle va finir par en rire. Elle va sécréter, mais elle va s'amuser. Puis à un moment donné, bien, elle va sécréter de moins en moins. Donc, elle émettra de moins en moins d'émotivité. Et là, la personne de bord aura l'impression d'avoir affaire avec un bloc de glace en avant. La personne, elle va finir par progressivement, de l'animativité, passer à l'expression de sentiments. Donc, elle va rayonner de l'énergie, ce qui fait qu'à un moment donné, elle va arriver devant le même gars, qui sera dans la même colère, puis quand il va prendre le vin, puis il va regarder l'autre, il va dire « oui, sois pas loin avec plaisir ». Pourquoi? Parce qu'il va se nourrir de la présence de l'autre, ça va alléger son karma sans que l'autre en ramasse. Ça crée une synergie évolutive. Tu manipules pas l'autre, tu le manipules par sa présence, lui est manipulable, mais c'est pas égoïquement dans le but d'avoir du pouvoir. C'est parce que c'est mieux quand ça va bien. Ben, ça va aller bien pour lui, ça va aller bien pour toi, puis ça va passer. Progressivement, l'humain va en arriver là, mais il faut qu'on donne du temps. Est-il possible de naître sans âme dans le corps? Tout est possible, mais ça ne vous est pas arrivé à vous, parce que si ça vous serait arrivé, vous ne poseriez pas de questions. On appelle ça un zombie. Puis normalement, ça ne vit pas longtemps quand c'est un enfant. Est-il possible de naître avec une âme collective, comme les animaux? Laisse faire opposer à l'autre. Bon, à un moment donné, je réponds rapidement. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Bon, c'est ce qui arrive à l'humanité. Pour bien comprendre, on peut se référer à des conférences que j'ai faites sur la réincarnation cette année ou les années antérieures. L'humain ne se réincarne pas comme on l'a enseigné traditionnellement. C'était correct qu'on l'enseigne comme ça parce que ça permettait à l'humain d'avancer d'un pas. Et puis, on se réincarne. Pourquoi on ne se rappelle pas de nos vies antérieures? C'est uniquement parce qu'on est plus reconstitué au niveau de la réincarnation. Donc, on est la majorité ici, vous êtes constitué de près de 30 millions de mémoires réincarnatives qui constituent ce que vous êtes présentement. L'humain est collectif, il suit la mode, il a peur de ce que les autres pensent, il est donc grégaire, il vit en troupeau. Et son âme est plus évoluée que l'âme de l'animal, il est constitué de la même façon. Et votre conscience, c'est totalement différent, c'est elle qui vient par la suite. Alors de ce fait, vous rentrez dans un ascenseur, tout le monde se tait parce que vous êtes là, puis quand vous sortez, on commence à jaser. Quand vous êtes dans un ascenseur à parler avec du monde, quelqu'un rentre, vous vous taisez un peu, tout le monde agit de la même façon. Alors si on vous dit certains mots, vous allez rougir comme tout le monde. C'est une conscience collective. On parle de conscience collective astrale, non nécessairement, donc mémorielle. Au niveau de la conscience, c'est totalement différent. Mais au niveau réincarnationnel, c'est la même chose que les animaux, sauf que ce qui nous constitue du point de vue astral est totalement différent de ce qui constitue les animaux. Au procès du Nazaréen, il demande « Pour laquelle de mes œuvres m'accusez-vous? » Comme personne ne peut l'accuser pour ses œuvres, on l'accuse de se dire le Fils de l'homme. On ne savait pas de quoi accuser le Nazaréen et c'était le premier procès de ce genre. Est-il possible d'accuser quelqu'un sans savoir pourquoi et de le condamner? Dans la majorité des pays, ça se fait encore régulièrement. Ici, ça se fait de moins en moins. Notre justice a des problèmes, c'est qu'on dit souvent que ça protège les criminels. C'est bon que ça protège les criminels parce que ça évite que les innocents se ramassent en prison puis se ramassent très loin pour rien. Ça a un défaut. Il faut qu'on prouve la culpabilité. Donc, le criminel qui est bien nanti s'organise bien. Lui, on ne pouvait rien prouver, alors on a simplement décidé qu'il fallait une raison. Hein. Tu ne crucifies pas quelqu'un sans raison. On lui a donné une raison, puis on l'a condamné. C'est fréquent, encore sur la planète Terre, qu'on condamne ou qu'on élimine quelqu'un absolument comme ça, pour le plaisir. Et c'est souvent les plus puissants qui partent. Ben, c'est logique. Si on est assujetti aux divinités dans le monde astral, c'est logique. On ne veut pas que l'humain s'en sorte. L'humain est un alimentaur. Comment avoir le savoir instantané? Oh boy! Ça fait des années que j'en parle, mais j'ai pas fini. Fait que vous ne résumerez pas cela, certain. Sachez une chose, c'est qu'en réalité, la conscience supramentale, c'est elle qui un jour va vous avoir. C'est pas l'inverse. Est-ce que ton ego, Daniel, qui te fait agir assez à soi, toujours du même côté? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Pour son ego, c'est parce que je me suis le premier, il y aurait juste une place. Est-ce que c'est ton ego, Charles, qui fait que ça soit toujours du même côté? Non. Ouais, ben, effectivement, moi, je suis le deuxième. C'est pas mon ego qui me fait asseoir là, c'est la seule place qui reste. Non, il n'y a absolument aucune raison. Puis mon ego, il ne me fait pas asseoir sur une chaise plutôt qu'un autre. Faites-vous en pas que mon ego m'en occupe. Deux hommes avaient été payés pour tuer Satprem. Arrivés devant lui, ils ont voulu le jeter en bas de la falaise. Satprem les a simplement regardés. Les deux hommes l'ont aussi regardé, puis ont pris peur et se sont enfuis alors qu'ils étaient en position de force. Que s'est-il passé? ça te prenait ça pour que les gars s'en aillent. C'est ça qui est arrivé. Seth Prem, c'est un personnage qui... Bon, on parlait très rapidement encore de la mécanique réincarnationnelle. Seth Prem, c'est un personnage qui, présentement, sert de réceptacle physique pour réincarner ce qu'on appelle mère, qui était la femme qui est restée avec Aurobindo dans leur cité. Et les personnages, il y a toujours des problèmes quand les dirigeants partent. Alors, effectivement, Seth Prem a nui. Pourquoi? Parce qu'il continuait à vouloir accomplir ce que Mère voulait faire. Donc, Mère, elle est gelée physiquement et puis elle s'est réincarnée en majorité dans le personnage Seth Prem. Donc, elle le manipule, elle l'habite avec son consentement inconscient. Et puis, quand les personnages sont arrivés pour tuer Seth Prem, ils ont reconnu Mère. Alors, ils ont dit Mère, puis ils sont poussés. C'est simplement ce qui est arrivé dans ce cas-là. Et Seth Prem, il y a eu plusieurs autres tentatives d'élimination, mais c'est la même chose. L'énergie qui est contenue à l'intérieur du personnage, donc du bonhomme, est très puissante. Dans les temps qui viennent, si ce n'est pas arrivé, Mère va se réincarner ailleurs, ce qui fait qu'elle va quitter Seth Prem, mais Seth Prem va probablement quitter la Terre aussi. Monsieur Kemp, j'ai 26 ans et je souffre du syndrome de Ehlers-Danlos type 4. Ça doit faire mal. Ehlers-Danlos type 4. C'est ça. Désordre génétique du tissu conjonctif affectant ma peau et mes artères. La médecine officielle ne peut rien pour moi et les pronostics sont assez sombres. J'ai entendu dire que vous pratiquiez la chirurgie astrale. Est-ce vrai? Que pouvez-vous faire? Bon, vous avez entendu dire que je respirais, c'est vrai, mais la problématique, c'est que... Bon, la chirurgie astrale, ça ne s'applique pas dans votre cas. Étant donné que la chirurgie astrale, c'est un voyage astral vers l'intérieur où les individus qui en sont capables, rendus à un certain niveau de formation et de solidification du corps physique, vont simplement aller, non pas juste s'instruire comme je l'ai dit ce soir, mais vont simplement à l'intérieur reformer les formes. Je ne fais pas. Chaque individu doit être son seul maître. Rendu à un certain niveau, c'est l'individu qui doit lui-même se travailler. Donc moi, je ne fais pas de chirurgie chez autrui. J'ai donné, à un moment donné, un séminaire à certaines personnes qui font partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des chefs. Certaines personnes devaient faire ce genre de choses pour avancer, éliminer certaines conneries, pas perdre de temps à s'instruire. La majorité des maladies, on peut parler encore longuement de la mécanique. Une chose qui est absolument évidente, c'est que la cure ou la guérison, c'est un résultat secondaire de l'évolution. C'est sûr que du point de vue technique, pour la vie, c'est un résultat primordial, être en santé. Puis du point de vue de l'ego, c'est aussi un résultat primordial. L'ego a besoin d'un corps physique pour s'exprimer. Les pronostics de la médecine, officiels ou non officiels, ce n'est pas grave. Parce que si vous vous fiez à un pronostic, c'est que vous vous fiez de la mémoire. Donc, vous refusez plus ou moins. L'individu ne le refuse pas dans sa conscience ou dans son intelligence parce qu'il recherche encore des choses neuves. Mais on doit faire attention à l'ego. L'ego va faire confiance aux collectivistes. La médecine traditionnelle, donc les milliers d'années de conscience médicale, vont décider que le pronostic est mauvais parce qu'eux ne savent pas. Le processus du miracle n'est pas reconnu par la médecine. La médecine reconnaît la maladie psychosomatique. On va reconnaître la puissance que vous avez tous de vous rendre malade. On ne reconnaîtra jamais la puissance psychosomatique de vous rendre en santé. On ne reconnaît pas la puissance de votre conscience ou de votre psychologie à vous guérir. À un moment donné, il faudra évidemment que les médecins finissent par accepter l'un ou l'autre. Maintenant que la conscience collective accepte que vous pouvez psychologiquement vous rendre malade et qu'elle refuse que vous pouvez psychologiquement vous guérir, ceux qui sont collectivement assujettis aux mémoires collectives ou mémoires traditionnelles ont un inhibiteur chez eux. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez vous guérir tout seul, mais vous ne le savez pas et vous ne voulez pas, astralement. Ce n'est pas dans la norme. Alors, l'individu qui, à un moment donné, souffre, va chercher des voies autoritaires de guérison, où il y a de l'autorité, le médecin ou M. Kemp. Et je ne blâme rien, j'explique une mécanique simplement qui est bon de comprendre. La personne, ce qu'elle doit faire, ce n'est pas... Elle doit travailler au minimum sur son corps physique, c'est-à-dire mettre le maximum de son temps libre sur la cure physique, et elle doit mettre le reste du temps, donc le maximum de son temps non libre, sur elle-même. Premièrement, plus l'individu va s'anégoïser, plus l'intelligence et l'énergie qui la traverse va devenir, va être capable de restaurer sa santé ou de la préserver jusqu'à temps qu'elle la restaure. Guérir un individu, c'est une mécanique karmique dangereuse. C'est de priver l'individu d'un cadre dans lequel il a la possibilité de se former. L'individu doit donc travailler sur ce qui est important, le corps physique, l'enveloppe, on la change en santé ou pas en santé, ce n'est pas là-dessus qu'on doit mettre le plus d'énergie. Faire le minimum essentiel pour améliorer les choses, puis le reste du temps, transformer ce qui vient nuire, bref, le virus qui l'habite. Moi, pourquoi je ne veux pas trop aider, la façon de comprendre ma façon d'aider l'humain, c'est par cet exemple, c'est très facile à comprendre, c'est la fois où j'étais en Amazonie, dans la jungle, on était 6 personnes, on marchait la nuit avec un bâton pour se défendre au cas où que, ben, c'est pour rassurer les égos de ceux qui viennent avec moi, un chapeau parce que de temps en temps les tarentules ils vous descendent sur la tête, et puis on marche suffisamment éloigné de façon à ce que si on se fait attaquer qu'on puisse intervenir sans se taper dessus. Et c'est la nuit totale, les indigènes ne vont pas dans la jungle la nuit parce qu'il faut être fou pour y aller. Alors nous, on y va sans lumière, évidemment, parce qu'on veut simplement appliquer certaines choses du programme être contrôleur qu'eux avaient appris, c'est des professeurs. Et à un moment donné, en marchant la nuit, je détecte un trou dans le chemin, dans la forêt, dans le sentier. Alors je contourne le trou et je ne dis rien à l'autre en arrière. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que je veux l'aider. Alors je ne lui dis rien. Alors lui, il avance, et puis subitement, je perçois qu'il détecte le trou, il le contourne. C'est un être intelligent. Une non plus ne dit pas à l'autre. Il l'aime, puis il veut l'aider. Le troisième s'en vient, ah, il détecte, il contourne. C'est un être intelligent qui aime intelligemment. Son intelligence a du cœur, et son amour a de l'intelligence. Il ne dit rien non plus. Le cinquième arrive, il détecte le trou, il dit à l'autre, « Attention, il y a un trou ici! » Pauvre lui. Alors quand on est arrivé au hut où on dormait, il a eu le droit à un petit sermon, de ma part, un sermon énergétique, c'est très court. Et ça s'appelle un coup de bâton. C'est « serre mon coup », mais... Alors, je lui ai simplement expliqué, « Écoute, tu nuis. Tu n'es pas une personne capable d'enseigner pour la simple raison que tu nuis. » Il ne comprend pas, je lui explique. « Moi, en ne disant pas qu'il y a un trou, j'autorise la vie à instruire l'autre comme elle m'instruit moi. » L'autre va finir par apprendre à détecter les trous et il n'aura jamais besoin de moi. Toi, en disant à l'autre qu'il y a un trou, tu vas lentement l'habituer à avoir besoin de toi en avant. Il va te dire merci, maître, ça ne sera pas long. Alors, la vie, elle nous enseigne des choses, puis si on aide trop, souvent, on nuit. Alors, si on veut former un individu à devenir son seul maître, ce n'est pas en répondant à toutes ses questions, ce n'est pas en étant toujours avec lui, etc. Et de temps en temps, les personnes me trouvent un peu bête. Non. L'autre qui tombe dans le trou puis une jambe cassée, on va le ramasser. Là, il a besoin d'aide. Mécaniquement, il ne peut pas rien faire d'autre. Oui, mais la jambe cassée, si tu m'aurais dit qu'il y avait un trou, écoute, ta jambe, elle se répare. Toute ta vie, là, elle ne peut pas être déterminée par ma présence. La journée que je ne suis pas dans la jungle avec toi, tu peux mourir. C'est pas brillant. Profite du fait que je sois là pour ne pas t'aider. Quand tu seras bien mal pris, ben, je suis là. En attendant, forme-toi. La personne ici, c'est un peu la même chose. Elle doit travailler sur elle-même et non pas sur le corps physique. Elle doit travailler sur le corps physique. C'est évident qu'elle pourrait peut-être s'aider en magnifisant. Je ne dis pas que ça va fonctionner. Je dis que certains l'ont fait. Elle peut travailler. L'important, c'est que si vous évoluez, vous, en tant que conscience, faites confiance à ce que vous êtes. Le reste va suivre. Mais si on travaille uniquement sur le résultat secondaire, faites confiance que ça ne fonctionnera pas. Vous n'évoluerez pas en primaire. Je guéris un cancer de la peau, mais je suis toujours le même humain. Puis dans 3 ans, ben là, j'ai un problème pancréatique. Je le guéris, puis je suis toujours le même. Puis à un moment donné, ben là, j'ai un cancer cutané. Je le guéris, puis à un moment donné, ben je meurs, j'étais le même humain que plusieurs personnes ont trouvé absolument génial, je me guérissais souvent. Alors que l'autre qui n'a jamais été malade, lui, on ne l'a jamais vu, lui. L'autre, peut-être que c'était correct, ce qu'il y avait en dedans. Génétiquement, vous pouvez vous faire ramasser. Karmiquement, vous pouvez vous faire ramasser au niveau des pathologies. Si vous êtes le maître contrôleur, si vous n'êtes pas impatient, si vous n'êtes pas trop chialeux, si vous n'êtes pas frustrable, je dis souvent, écœurez-vous, mais découragez-vous pas. Le découragement, on brûle énormément d'énergie, alors encore un, ça ne va pas. La majorité des maladies physiques sont causées par une perte d'énergie vitale. L'énergie vitale est l'énergie qui maintient la mémoire. Plus de mémoire, le corps s'oublie. Ça crée des cancers, ça crée d'ailleurs un corps mort, plus d'énergie vitale, le corps pourrit, la mémoire est partie. La majorité des maladies sont causées par un problème d'énergie vitale. Lorsque votre ego a peur, lorsque puis on parle de conscient ou inconsciemment, si moins l'être humain est le maître contrôleur, plus l'ego est le maître contrôleur, plus l'astral est le maître contrôleur, plus il puise dans le corps vital de l'énergie. Moins il y a d'énergie dans le corps vital, plus le corps physique s'en va. Alors, vous êtes stressé, psychologiquement, vous allez vous créer des barricades au niveau avec votre énergie vitale pour préserver votre ego. Le corps physique commence à être problématisé, il devient malade. Le comptable a des brûlements d'estomac. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'énergie vitale pour nourrir son mental, pour être logique et fonctionner. Il n'est pas en contact avec lui-même, dans la majorité des cas. Puisant dans l'énergie vitale, il va puiser là où on en capte le plus. Dans le système digestif, il y aura des brûlements d'estomac. Le corps, et le système digestif se digère lui-même. Ils oublient. Si on est raisonnablement égoïque, bref, si vous continuez à faire un cheminement d'évolution avec moi ou avec n'importe qui d'autre, si vous le continuez à faire avec vous, vous avez de grandes chances de vous en sortir à long terme, à moyen terme, mais placez pas toutes vos énergies sur la guérison parce que ça peut être très long. Si j'ai l'impression qu'une personne intelligente de mon entourage réincarne Jésus, le Nazaréen, le Christ, comment discerner entre l'information astrale, mentale ou autre? Premièrement, il n'y a personne de votre entourage qui réincarne le Nazaréen ou qui réincarne le Christ. Jésus, ça se peut. Jésus, c'est la mémoire de l'expérience du passage d'un être humain sur la planète Terre. Jésus-Christ, c'est la mémoire du contact christique avec le corps physique. Le Nazaréen, c'est le personnage lui-même initié de la secte des Nazaréens, et c'est le terme qu'il aimait qu'on emploie pour lui parler. Nazareth a été baptisé comme ça 300 ans après sa disparition. Comment on discerne quoi que ce soit? On en revient toujours à la même chose. Faites-vous-en pas avec rien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est pas grave. J'observe que je perçois ça, c'est ça. C'est tout. Observez. Faites confiance à votre intuition sur le fait qu'elle est intuitive. Mais le reste, c'est fini là. C'est pas grave. Ça ne changera pas votre vie. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. Oui, mais si c'était lui, bien, il va être là quand même, hein? Il n'y a pas de problème là. C'est très important. J'ai eu telle intuition, je ne sais pas si c'est mon astral ou mon intelligence. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je pense que c'est mon intelligence. C'est pas ça que je veux savoir. L'intuition que tu as eue, ça a-tu de l'allure ou ça n'en a pas? Bien, moi, je pense que ça fait du sens. Bon, astral ou pas, ça fait du sens, celui-là. Cassons-nous pas la tête. L'important, c'est d'être son seul maître, pas de savoir où est-ce qu'on est branché. À la longue, si on devient son seul maître, on va finir par connaître la saveur d'où on est branché. On pourra discerner. Et là, on sera sûr d'être sûr. Mais au départ, cherchez pas ça, vous pouvez pas le savoir. Comme je le dis souvent, vous suivez quelqu'un pour qu'il vous amène à la paix. Savez-vous qu'est-ce que c'est que la paix? Non? Bien, vous pouvez pas suivre le gars. Vous savez pas si c'est là qu'il vous amène, vous savez pas ce que c'est. L'intuition, c'est la même chose. Savez-vous ce que c'est qu'un contact réel supramental? Non? Bien, cherchez pas à savoir qu'est-ce que c'est. Vous le saurez pas. Vous êtes là. Servez-vous de votre présence. Et nécessairement, vous êtes bien branché. Ça a-tu de l'allure? Ça a-tu pas de l'allure? C'était astral, mais il a raison. Je l'applique. C'était astral, puis il a tort. Je l'applique pas. C'était supramental, puis ça a raison. Je l'applique. C'est supramental, puis je vois pas que ça a raison. Faites-le pas. Ah, mais je peux me tromper, oui. Mais que vous le fassiez ou non, on peut vous tromper. Dans un des cas, vous êtes votre maître. Vous vous autorisez à apprendre. Dans l'autre cas, vous suivez. C'est dangereux. C'est la meilleure chose. Si le Nazaréen ou quoi que ce soit autour de nous, c'est pas grave. L'important, c'est que vous percevez des nouvelles choses. Parfait. Est-ce que c'est ça? Non, rien à faire. Continuez à avancer. J'ai toujours dans le cœur la mémoire de mon premier amour qui est parti il y a 20 ans. Je n'ai jamais refait ma vie dans l'espoir qu'elle revienne. Quoi faire pour l'oublier? Bon. Un personnage qui a déjà dit que ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, il est à toi. S'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. Moi, je dis que si on attache deux oiseaux l'un à l'autre, même s'ils ont quatre ailes, ils ne peuvent plus voler. La personne, pour oublier ce qu'elle devra faire facilement, techniquement, ce n'est pas évolutif, mais c'est curatif. Elle devra s'arranger simplement pour déformer la mémoire de l'individu. Travailler à trouver ses points faibles. Trouver des raisons pour le détester. Ce n'est pas évolutif, mais c'est curatif. Si je serais un psychologue, là, je m'arrangerais pour vous faire comprendre que c'est un bon point que c'est parti. On peut faire autre chose. On peut aussi découvrir, projeter, découvrir une correspondance. Trouver quelqu'un qui a des qualités similaires, puis finalement, habituer l'ego et tomber en amour avec lui. Mais encore une fois, quand on tombe en amour uniquement astralement pour nourrir des mémoires, ça crée toujours des problèmes. C'est un amour conditionnel. Je ne suis pas le spécialiste de l'amour conditionnel. Je parle au niveau de la vente. Je préfère l'amour intelligent qui libère. Tu l'aimes, il vient, tu l'aimes. Il reste, tu l'aimes. Il part, tu l'aimes. T'en souffres? Jamais. T'ennuies? Pas du tout. T'es inquiet? Non. T'es jaloux? Ben voyons donc, je l'aime, je peux pas être jaloux. Puis ça, avec un autre, puis c'est correct, tant mieux s'il est heureux. L'amour intelligent. La personne, elle peut probablement écouter quelques conférences que je vais donner dernièrement sur comment ne plus perdre d'énergie en amour, comment ramasser de l'énergie en amour, que quelques tisses des conférences qu'on a faites dernièrement, ça répondrait plus amplement, parce que là on n'aura pas le temps de toute façon. Puis c'est, bien que ce soit un phénomène émotif, certains diraient astral, c'est extrêmement important. Parce qu'on doit, pour évoluer convenablement, nourrir notre corps physique. On doit nourrir convenablement notre corps vital. Et on doit convenablement nourrir notre corps astral. Pas notre ego, mais notre corps astral, oui. Et ce genre de contact nourrit le corps astral et l'ego. Et c'est l'ego qui souffre. Le corps astral peut finir par en souffrir. On doit aussi nourrir le corps mental convenablement. On va le faire dans une discussion, comme ce soir, ou quand on discute entre nous. Donc, c'est extrêmement important, mais répondre brièvement en coupant tout, ça ne sert à rien. Il y a des conférences que j'ai faites là-dessus dernièrement. C'est honnête de vous dire d'aller voir là-dedans. Je ne dis pas que vous allez tout trouver. Ce que je dis, c'est que je réponds drôlement plus que maintenant. Quelle différence y a-t-il entre servir les dieux ou vendre son âme au diable? Du point de vue du magasin, c'est pas mal la même porte. Bon. La nuance qu'il y a, c'est que vendre son âme à Dieu ou vendre son âme au diable, du point de vue du principe de sorcellerie, donc de magie noire, c'est la même chose. Tous ceux qui ont servi Dieu ont été protégés par Dieu et sont morts décapités par Dieu, sont morts martyrs, sont partis. Le Nazaréen, crucifié. Jean le Baptiste, étêté. Et tous ceux qui ont adoré l'astral de ces personnages-là ont eu des problèmes aussi. Servir les dieux, c'est exiger en échange une grande partie de nous et de notre âme, parce que lorsque l'on meurt, l'âme gagne l'égrégore qu'on a nourri. Et c'est pourquoi sur vos baptistères, vous avez le prénom Joseph ou Marie, plus normalement des noms catholiques. Si vous êtes juif, on vous appellera Jacob, Rebecca, on ne vous appellera pas Daniel, on vous appellera pas Marie. Si vous êtes hindou, on vous appellera des noms qui sont reliés au langage sanskrit. C'est important. On rebaptise les papes quand ils deviennent papes, parce que quand ils meurent, leur âme va nourrir un égrégore de pape. Le pape qui vient de naître, qui vient d'être élu, une fois qu'il est baptisé, c'est tous les papes réunis qui s'expriment par lui. Quand on sert les dieux, on s'attend nécessairement à tout leur donner ce que nous sommes en échange de certaines compensations. Quand on vend son âme au diable, c'est la même chose, sauf que le contrat est légèrement différent. On vous donne 2, 3, 4, 5 ans, vous serez parfait. Puis après, c'est fini. Votre âme va simplement décoller du corps physique, vous allez nourrir les forces d'évolution. En attendant, vous aurez eu de résultats. C'est évident qu'une personne qui prie les mécaniques sataniques ou diaboliques, et ces religions-là ont tendance à grossir sur la planète, ont beaucoup plus de résultats. Quelqu'un qui est malade, je ne dis pas ça pour la personne de tout à l'heure, mais si elle prie le diable, elle aura probablement une guérison drôlement plus rapidement que si elle prie Dieu. Pourquoi? Parce que les mécaniques sataniques, diaboliques, arimaniennes, belzébutiennes sont extrêmement denses, proche du monde matériel. Les mécaniques divines du monde de la mort, spirituelle ou autre spirituelle, sont beaucoup plus subtiles. Alors, ça demande beaucoup plus de temps et de contrôle pour prendre une énergie subtile et en faire une guérison, que ça va prendre de temps pour prendre une énergie très près de la matière pour en faire immédiatement une guérison. Alors, les gens qui font des contrats avec Satan, des pactes avec le diable, ont toujours eu, et ça c'est connu, ça marche drôlement mieux. Alors que ceux qui font affaire avec Dieu, c'est très long. La problématique, par contre, c'est que le karma négatif d'un contact divin, ou dont on parle de divin, des dieux du monde de la mort, des dieux célestes, est beaucoup moins pesant à apporter sur le dos qu'un contact avec le diable, en termes de contrat. Mais mécaniquement, c'est similairement la même chose. Quand on fait un pacte avec le diable, on s'attend à ça. Oui, c'est ça. S'attend à l'atmosphère. Serait-il préférable de ne plus baptiser les enfants nouveaux qui naissent présentement, de ne plus les assujettir à l'égrégore religieux? Non. Baptiser veut dire reconnaître dans la forme, dans ce cas-ci c'est oral, reconnaître dans la forme la créature baptisée. Alors, à un moment donné, vous êtes païen. Et puis, vous devenez chrétien. Alors, on vous baptise. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît, on va mettre un nouveau nom sur la longueur d'onde énergétique de votre âme, de façon à faciliter votre transition. Le Nazaréen, lorsqu'il rencontrait une personne apparemment possédée, il attendait, il la regardait baver, il la regardait tourner, crier, etc. Et puis, à un moment donné, il sortait un nom. Et avec le nom, il disait, on prend le nom Mammon, entre autres. Alors, Mammon, la personne arrête net. Il vient de trouver le nom, la clé de l'entité qu'il possède. Avec la clé, il va faire ce qu'il veut avec. Quand on baptise, l'enfant qui est baptisé, ça lui donne une personnalité. Donc, traditionnellement, le baptême va prendre un nom de nos aïeuls, culte des ancêtres, que nous appliquons encore aujourd'hui. Et il aura donc la caractéristique, la capacité de réincarner des affinités avec cela. Ça lui crée une personnalité. Ce qu'on devrait faire, rendu à un certain âge, lui demander, est-ce que ton nom te plaît? Parce que peut-être qu'il aura transformé ou on n'aura peut-être pas bien choisi. De toute façon, je dis toujours qu'on doit attendre de voir la face de l'enfant avant de trouver un nom. À un moment donné, peut-être qu'il veut changer son nom, on peut changer son nom. C'est un nouveau baptême. Et à un moment donné, il saura qui il est et il s'appellera de cette façon-là. C'est un égrégore, c'est une clé, ça a plusieurs utilités sur lesquelles je vais passer présentement ici. Ne pas baptiser l'enfant à la naissance. On parle de baptême religieux, c'est pas ça un baptême. Un baptême, c'est une totémisation, c'est la même chose. Ce que les Indiens faisaient, donner un totem. Un baptême, c'est de nommer. Je baptise le bateau, je donne un nom au bateau. Je peux baptiser d'une façon chrétienne, d'une façon catholique, d'une façon juive. Ce n'est pas important. Donc, donner un nom, oui, c'est extrêmement intéressant. De le baptiser catholiquement parlant, ce n'est pas nécessairement utile. Au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, il peut sentir un nouveau nom à un certain âge, mais comme l'évolution n'arrête pas, 6 mois après, il peut en sentir un autre. Ouais, c'est pourquoi, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour prendre du temps. Puis, à un moment donné, le nom que l'enfant se choisit ou le nom que l'adulte se choisit, c'est pas le nom de son ego. Le nom de baptême restera le nom d'ego parce que c'est le nom le plus accolé aux mémoires de l'individu du passé, et non pas celui qui change. Et puis, à un moment donné, ben, tu prends un nouveau nom, ben, garde-les quoi, quelques années. C'est évident que si tu changes trop vite, tu vas finir par porter un nom qui va être dans le genre René, qui originellement voulait dire né de nouveau. Et si tu le prononces dans le sens René, les gens penseront que tu t'appelles René. Tu ne t'appelles pas René, tu t'appelles René. Bien différent. Alors, ça dépend de la façon dont on le prononce, de la façon dont énergétiquement il est constitué au niveau de la forme. Et ça dépendra finalement de l'élocution du nom. Quand nous instruisons notre ego, nous l'appelons par notre nom de baptême. Qu'arrive-t-il quand les gens qui nous entourent nous appellent par le même nom? Parle-t-il à notre ego? C'est évident qu'ils parlent à vos égos. C'est absolument évident. C'est sûr qu'à un moment donné, la personne sera capable de prononcer mentalement votre nom. Là, la personne parle à votre mental, donc plus à vous. Sauf que c'est toujours aux égos qu'on va parler. Bon, je téléphone, puis peux-tu venir à Noël? Non, reviens donc, Charles, à qui je parle, je manipule de l'ego. À peu près toutes les communications que nous avons, c'est des communications d'ego à ego. Et si on est mental, quand on parle à quelqu'un, on peut parler à son ego, on peut parler à son mental, dépendamment de son niveau. S'il est du même calibre que nous, c'est évident que ce soit mental à mental, ou encore intelligence à intelligence, avec le même nom. Parce que dans la forme, on aura contrôlé, on aura purifié l'énergie du nom, ce qui fait que moi, quand je dirai Charles, ça n'aura jamais la même valeur que d'autres personnes qui vont dire Charles. Normalement, les personnes, quand ils vous appellent, appellent votre ego. Et quand ils vont vous dire, voyons, c'est pas normal ce que tu fais là, ils disent pas ça à un mental. Le mental n'a rien à faire de la normalité. Il fait du naturel, de la logistique, il logifère, il intelligencie. Alors, ça te fait bien telle chose, le mental n'a rien à faire. Donc, c'est évident qu'on parle de l'ego. Puis quand on parle à quelqu'un, normalement, c'est à son ego qu'on parle. Sauf si on est réchauffé à un point où on est capable de parler à son mental, donc de parler, non pas à la mémoire de l'individu, mais à l'individu. Est-ce que le PMC1 aide à contrôler les énergies du corps astral? Ça dépend de vos notes. 65 et plus. Si vous garantissez la matière première, on garantit les résultats. Le PMC1, le programme être contrôleur de niveau 1, ça prépare surtout les hémisphères cérébraux, ça prépare le mental. La question, c'était? Est-ce que le PMC1 aide à contrôler les énergies du corps astral? Ça dépend de ce qu'on veut savoir pour contrôler les énergies du corps astral, mais c'est évident que le programme Maître Contrôleur 1, c'est une stratégie évolutive qui mène nécessairement à la longue, soit par le 2 ou par le 3, à contrôler, à faire en sorte que l'homme devienne son seul maître. Donc, nécessairement, oui, ça amène à contrôler le corps astral ou les énergies astrales. Mais il ne faut pas s'attendre qu'après le PMC1, que l'individu soit capable de tout contrôler ou de faire des voyages astraux ou des chirurgies astrales. Ce qu'on doit comprendre simplement, c'est qu'on doit préparer les choses. C'est comme si quelqu'un me demande, est-ce que le judo peut m'amener à me défendre si je suis attaqué? Oui. Pas la ceinture jaune. Peut-être pas la orange. Peut-être pas la verte. Peut-être la bleue. Ah, peut-être qu'après jaune, tu seras capable. Ça dépend de l'individu. PMC1, c'est pas le judo. C'est la ceinture jaune. Ça peut aider. Ça remet en forme physiquement. Ça restructure l'ego. Ça donne de l'assurance. On parle de la ceinture jaune de judo. Au niveau du PMC1, c'est évident que ça restructure le corps physique, ça commence une isométrisation cérébrale, ça fait découvrir qu'est-ce que c'est que le corps vital, ça nous permet de le bouger un peu, ça permet au mental de menfiser, donc de devenir le maître contrôleur du physique. En début de technique, il faudra pratiquer certaines choses. Ça permet plusieurs choses de ce genre-là, c'est le niveau 1. Qu'est-ce qu'une supragalaxie? Ah, c'est une petite grosse galaxie. Une Toyota qui a frappé un Ford, puis ils sont fusionnés. C'est ça, c'est une grosse galaxie. C'est une supra-galaxie. Bon, il y a de cela quelques années, les astronomes, qui étaient tous à l'époque des savants, c'était pas astronome d'ailleurs, c'était astrologue, on parle de quelques milliers d'années, là. La Terre, elle était au centre de l'univers, c'est le nombril du monde, et puis il y avait des planètes autour de ça qui bougeaient sur des sphères immuables. Il y avait un paquet de petites lumières qui nous éclairaient, puis c'est absolument immuable. Donc, la perfection était le ciel. Maintenant, on sait très bien que tout bouge dedans. Bon. Donc, la perfection est immuable. Bon. Ce qui est arrivé progressivement, c'est que les personnes, les savants, plus près d'aujourd'hui, savent que les étoiles, ce sont des astres comme le soleil, placés partout. Alors, on a des télescopes très peu puissants et on observe les étoiles, et c'est absolument génial ce qu'on découvre là-dedans. On sait maintenant que le Soleil, et puis que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne autour d'un amas particulier, une galaxie, qu'on appellera la Voie lactée, en l'honneur de l'aileron de la galaxie qu'on voit de temps en temps, et que les anciens pensaient être un laitier qui avait cassé une bouteille. Alors, ils pensaient que c'était du lait qui traînait dans l'espace, on appelle ça la Voie lactée. C'est l'aileron de notre galaxie. Alors, progressivement, en observant les étoiles, on connaissait tout de l'univers. À un moment donné, les personnes ont découvert, les astronomes, maintenant, ont découvert, eux nommaient ce qu'ils trouvaient. Astronomes, ils nommaient. Les astrologues, eux, essayaient d'expliquer les interrelations entre ce qui était nommé et l'humain. Alors, les astronomes découvrent subitement des étoiles drôlement puissantes par rapport à ce que la théorie, à ce qu'ils prévoyaient. Alors, ils vont parler d'immenses étoiles. Et plus tard, ils vont se rendre compte que ces étoiles-là ne sont pas des étoiles, mais des amas d'étoiles. Des amas de milliards d'étoiles. Et là, l'humain va découvrir qu'il y a d'autres galaxies. Alors, on établit la grosseur des galaxies et la forme des galaxies. Subitement, un jour, en observant une galaxie, on se rend compte qu'il y a une lumière qui irradie de la galaxie, qui emplit la galaxie et qui dépasse la galaxie. Et là, on va découvrir la présence, l'existence d'un éclatement d'étoiles, d'une supernova. Un seul soleil qui éclate peut éclairer plus fort que les milliards d'étoiles d'une galaxie au complet. Et là, après avoir standardisé, subitement un jour, on découvre une galaxie, un amas de galaxies. Et en fouillant convenablement, on se rend compte que ce n'est pas un amas de galaxies, mais que c'est une super galaxie. Et les astronomes vont finir par se rendre compte que nous sommes dans un petit monde, une petite galaxie, alors là, vraiment petite, à peine quelques milliards d'étoiles, vraiment minuscule. Et à peine une étincelle à travers le cosmos, et il y a des super galaxies. Progressivement, la science commence à s'imaginer qu'il y a peut-être dans notre univers des milliards de galaxies et des galaxies vachement plus grandes. Et là, progressivement, dans quelques années, ils vont se rendre compte, avec le télescope qu'ils viennent de placer, qui permet de voir dans le passé, qui permet de voir quelques milliards d'années dans le passé, parce que plus on voit loin avec la vitesse de la lumière, plus c'est dans le passé qu'on voit, ils vont découvrir qu'il y a aussi d'autres univers. Que nous sommes dans un univers local, qu'il y a d'autres univers. Et plus tard, ils découvriront qu'on est dans un super univers. Et finalement, dans une création. Puis un jour, ben, on saura qu'il y a d'autres créations, mais qu'ils ne nous regardent pas ceux-là. Chacun son petit karma à vivre. Alors, quand on parle de supra-galaxies ou de super-galaxies, on parle simplement d'amoncellements qui sont phénoménales. Entre autres, on a découvert, ben, l'ésotériste le sait, les intuitifs le savent. C'est maintenant en théorie que toutes les galaxies que l'on connaît présentement et celles qu'on ne connaît pas graviteraient autour d'une supra-galaxie, c'est-à-dire un centre de l'univers. On parle du centre source, certains parlent de Dieu retourné vers Dieu. Du point de vue seulement supramental, donc du point de vue galactique, parce que l'énergie supramentale, c'est une mémoire galactique, qui pour la conscience astrale de l'humain devient une banque absolument infinie, pour la conscience limitée de l'homme. Du point de vue galactique, nous tournons autour d'un centre source, qui est le centre de la galaxie, qui contient la majorité des étoiles de la galaxie. Quand l'être humain parvient, soit par transport séraphique ou par une mécanique autre que je n'ai jamais parlé, à expandre sa conscience ou à voyager d'une galaxie à une autre, et non pas d'une planète à une autre, ça c'est comme aller chez la voisine. Quand il peut voyager d'une galaxie à l'autre, à un moment donné, la personne se conscientise que tout ça gravite autour d'un centre de galaxie, supra-galaxie ou en termes de théorie actuelle, un autre centre source. Et tout ça gravite aussi autour d'un autre centre, et finalement, ça gravite absolument pas parce que c'est une illusion cosmique, l'espace et le temps. Mais pour l'instant, on gravite. On appelle ça tourner en rond. Pourquoi l'homme, après une question comme ça, pourquoi l'homme a-t-il été mis sur la Terre, sourd, aveugle et sans intelligence? Bon, on peut se référer à toujours à mes cassettes. Et c'est la première fois que je vais en faire une cassette. Mais pour moi, ça vaut le temps. C'est bon. Il y a quelques semaines, là, vous verrez, je demanderai à Charles à sortir, non pas à toi. Mais vous pouvez vérifier quelques conférences, on a parlé justement de quel est le rôle cosmique de l'homme, ou encore pourquoi l'homme a-t-il été créé. Ça donne une idée. Ça expliquerait rapidement. L'homme n'a pas été placé sur la Terre sourd, aveugle et sans intelligence. C'est faux. L'homme n'a pas été placé sur la Terre. Dans les mondes refroidis par effusion, je passe plein de petits détails, c'est des choses qu'on voit souvent en séminaire ou qu'on voit surtout ensuite au niveau des conférences, disons, réservées aux séminaristes, des conférences plus spécialisées. Très brièvement, l'énergie, elle descend, elle descend, elle descend, elle tombe, elle s'amoncelle comme de la neige. Cette neige, elle est invisible et à un moment donné, la neige devient tellement pesante qu'elle commence à s'écraser. L'énergie vitale va révéler la matière, la neige devient visible. Et la neige continue à tomber, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, et finalement, la neige qui tombe n'a pas la même densité que la neige qui est en dessous. Et on parlera d'énergie astrale, c'est plus subtil, c'est plus volatile. Disons que la neige continue à tomber, elle écrase. Le premier palier devient de la glace, le deuxième devient de la neige compactée, et le troisième est plus subtil. La glace, corps physique, corps vital si on voudrait. La neige compactée, on va dire corps astral. La neige plus légère, corps mental. Ça prend une accumulation d'énergie pour engendrer l'être humain. Alors, la glace peut se poser la question, ou encore l'amoncellement du bloc de neige, glace, neige compactée et neige légère, l'humain, pourrait dire, pourquoi on a été placé sur la tête sans intelligence? Sur la Terre, pas sur la tête. Sur la Terre sans intelligence. L'idée, c'est pas ça. C'est que nous descendons présentement dans un corps physique capable de recevoir de l'intelligence. Mais le corps lui-même, l'énergie a été refroidie à un niveau physique. Elle est maintenant accueillie par le niveau physique qui lui permet de se refroidir moins, l'énergie vitale, la matière est révélée. Maintenant, elle est accueillie à un niveau supérieur, elle peut se refroidir moins, l'énergie astrale, l'âme, la mémoire, la psychologie, ça durera quelques milliards d'années. Et par la suite, c'est accueilli à un niveau plus haut, ça durera quelques milliers d'années. Nous en sommes présentement vers la fin. Et là, maintenant, on est capable de recevoir de l'énergie, la même énergie, mais on l'arrête à un niveau plus haut, le plan supramental qu'on appelle intelligence, le Dieu en vous que vous devez réveiller. Mais l'homme n'a pas été placé sur la Terre sourd, aveugle et sans intelligence. C'est une vision mémorielle astrale. L'humain pense qu'il a été placé sur la Terre à partir de... Bon, il a été créé en corps physique comme nous autres, dans l'ignorance. Il y a un mensonge cosmique phénoménal qui était placé autour de la conscience astrale de l'homme pour que l'humain ne puisse pas se réveiller trop vite. Parce que le corps physique doit se solidifier, parce qu'on doit être capable de supporter de plus en plus d'absolu, de réalité. Et pour que l'humain ne soit pas éclaté dans un contact d'absolu, les mécaniques astrales ont été créées, les dieux dans le monde de la mort. Et ceux-ci se nourrissent de l'homme de façon à devenir très puissamment archangéliquement les contrôleurs de l'évolution collective des humains. Et rendu à un moment donné où nous sommes maintenant prêts à recevoir de l'intelligence, l'échafaud doit être éliminé. L'échafaud, c'est le monde astral, mais nécessairement le monde astral ne veut pas s'éliminer. Il a de la mémoire, il a peur. Et nous devrons l'instruire, l'éduquer progressivement, comme vous devez faire avec vos égos, pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il ne souffre pas, et pour qu'il vous libère. Mais quand je dis qu'il vous libère, ce n'est pas votre sauveur, c'est votre empêcheur de tourner en rond. Effectivement, les dieux vont libérer l'homme. Ils vont le lâcher. C'est différent. On fait une conférence la semaine prochaine? Oui, le 21 décembre, je ne sais pas si on va avoir une salle tout de suite. Comment le contact se fera-t-il? Comment le contact avec votre esprit va se faire? Ben, c'est ce qu'on parle. On s'amuse, on sourit, on chiale pas trop.